Alors le psy, quoi? C'est quoi toutes ces images? Ah, il faut que j'observe. Ouais. Ok. Ouais, ouais. Ça là, elle est pas mal. Ouais. Ah, ça, un peu craignos. Et c'est là. Wow. Ok. Ah ouais. Ok. Wow, ouais. Bon. Ah, ok. Yo. Bon, le psy t'a proposé un tas d'images sur la table. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux me tester sur le plan des émotions? Quoi? Pas que c'est la crise, mais où sont-ils tous ces gens qui tiennent le pif? Ah, ils attendent, ouais, le stock de papier pour mettre en route ces grosses machines. Il paraît qu'il y a trop de mal, mais où sont-ils? Faut super mal pour tout stopper comme dans les films. Oh, quoi? Il paraît que les jeunes partent en vrille, mais moi j'suis ni un exemple, ni même leur père de famille. Une chose est sûre, ben, la tâche du cœur se nettoie pas avec moins du vanille. Il paraît qu'il y a trop de malades. Merde, mais que font-ils? Ouais, tous vos chercheurs en médecine. Ouais, je sais que c'est pas facile. Quoi? Il paraît qu'il y a tout le monde qui s'y retrouve dès qu'on parle de ce théâtre de la justice. Quoi? Il paraît qu'il y a tout le monde qui a subi de la justice. Oh, mais c'est mieux que c'est les mêmes qui vendent leur injustice pour se mettre dans le rôle de la justice. Bon, c'est pour quand la paix, vu qu'il paraît qu'il y a tout le monde qui est attentif. Quoi, il paraît que c'est l'époque où tout s'explique. Oh, mais moi en tout cas, j'attends pas la guerre ou la paix entre les hommes pour comprendre qu'il y a de l'amour et de la justice. Ah ouais, rien à faire de tous ces gens qui se la jouent intuitive. Ah ouais, j'suis qu'un homme de plus, ouais, qui se bat, qui se défend sans motif. Au fond, le psy, qu'est-ce tu veux, qu'est-ce tu cherches à travers mes lyrics? Ah ouais, je sens mes scuds à la manière d'un mercenaire qu'on merde en force cette industrie. Quoi? Il paraît qu'il y a pas d'espion, c'est rien qu'un business de la musique. Ouais, quoi? Il paraît que ce game, c'est rien qu'un gâteau surprise. Bon, elle est où cette lady qui aime pas ce strip avec la tenue de la police? Ouais, je réclame une bombe qui fasse vibrer mon corps de terroriste. Bon, laisse-moi finir mes quelques piges sans prendre de fric avec ma zig, mais surtout avec ces chaînes qui me serrent le corps, ouais, de la tête jusqu'aux pieds. Et ouais, j'assume tous ces casques en mal tourné, toutes ces pompes qui ont explosé, ainsi que ces peu de ventes illégales dans ce putain de move de la musicienne. Et ouais, mon pote, c'est avec le fou rire que je réponds à tous tes psys de la chanson. Moi qui cherche la raison pour mes lyrics trop grands dedans. Ha, eh ben dis donc, ouais. Tourner.